بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لدرسنا الأخير bienvenue mes frères pour le dernier cours donc avant la pause d'été le cours numéro 10 dans l'explication de l'épître أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى الحديث التاسع عشر on est arrivé donc au hadith numéro 19 يقول المؤلف رحمه الله عن ابي هريره مرفوعا ان امراه بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به selon Abi Huraira radiyallahu an marfou'an c'est-à-dire donc marfou'an donc cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme une prostituée a vu un chien durant un jour de forte chaleur Ce chien qui tournait autour d'un puits à cause de la soif. Alors, elle a retiré son chausson. Elle a retiré son chausson, c'est-à-dire que cette femme, elle n'avait pas de quoi, elle n'avait pas de récipient pour retenir l'eau. Elle a donc pris son chausson pour mettre l'eau dans son chausson afin d'abreuver le chien. Et par cela, il lui fut pardonné. رأينا في الأحاديث الماضية ما يدل على سعة رحمة الله تعالى. Nous avons vu lors des hadiths précédents ce qui montre le caractère vaste de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. وهذا الحديث كذلك من هذا القبيل. Et ce même hadith aussi, il va dans ce sens. Il montre le caractère vaste de la miséricorde d'Allah تبارك وتعالى. فإنه لا يخفى عليكم أن الزنا من أكبر الكبائر. Certes, vous savez tous que la fornication fait partie des plus grands péchés. وهذه كانت تأخذ أجرا على ذلك وتعلنه. Et donc cette femme, non seulement elle faisait un des plus grands péchés, mais en plus de ça, elle prenait un salaire pour ce péché-là. Et pire encore, تعلنه. Elle le fait ouvertement. Une prostituée, elle ne se cache pas, elle fait son métier ouvertement. Et donc, cela va aggraver encore plus son cas. Cela va aggraver encore plus son cas. فغفر الله تبارك وتعالى لها هذه الكبيرة من أجل إحسانها إلى هذا الكلب. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a pardonné par la cause de son bon comportement, sa bienséance envers ce chien. Wa hadhihi al-mar'a ja'a fi riwaya annaha ra'at al-kalb ya'kulu thara min al-'atash. Il a été cité dans une narration que cette femme elle a vu le chien qui mangeait la poussière du sol tellement il avait soif. Tellement il avait soif. Oui, dans une autre narration, il sortait la langue à cause de la soif. وفي هذا الحديث فضل الإحسان إلى الحيوانات. فإن العبد قد يغفر له بسبب إحسانه إلى الحيوانات. Il y a dans ce hadith le caractère méritoire quant au fait de bien se comporter et de bien agir envers les animaux, car l'être humain, il peut lui être pardonné. Ses péchés à cause de son grâce à son bon comportement envers les animaux. Illa allati umirna biqatliha. Sauf les animaux dont il nous a été ordonné de les tuer. Sauf les animaux dont il nous a été ordonné de les tuer. Akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Aisha radhiyallahu anha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala خمس فواسق البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil As-Sahihayn, selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 5 animaux sont nuisibles. 5 animaux sont nuisibles. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلنا في الحرم. Ces 5 animaux, ils sont tués même dans les lieux sacrés. Même dans les lieux sacrés. يقتلنا في الحرم. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, il les a cités et il a dit الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور, le rat, le scorpion, le milan, le corbeau et aussi الكلب العقور. الكلب العقور, la bête féroce. Cela englobe toute bête qui est féroce, qui attaque, donc les lions, les chiens enragés et autres bêtes qui vont dans ce sens. فهذه أمرنا بقتلها لكن دون التعذيب. Et donc ces bêtes-là, il nous a été ordonné de les tuer, cependant sans pour autant les faire souffrir, sans châtiment. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. Et donc le prophète, l'imam Muslim, il a cité dans son recueil, selon Shaddad ibn Aws, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a prescrit la bienséance dans toutes choses. Alors si vous tuez, faites le bien. Ahsinul qitla. Faites le bien, tu ne fais pas souffrir la bête. Et si vous égorgez, alors faites le bien. Tu ne fais pas souffrir la bête lorsque tu vas égorger ta bête pour l'Eid. Tu ne la fais pas souffrir, aiguise bien ta lame. Ne fais pas en sorte que la bête, elle voit des animaux se faire tuer devant elle. Cela ne fait pas partie non plus du bon comportement de l'Ihsan avec la bête. وأما الحيوانات التي لم نؤمر بقتلها فالإحسان إليها مطلوب. En ce qui concerne les animaux dont il nous a pas été demandé de les tuer, alors la bienséance, le bon comportement envers elles est envers ceux-ci sont est demandé. وفي هذا الحديث أن الإسلام يدعو العباد على التراحم فيما بينهم. Il y a dans ce hadith le fait que l'islam, cette belle religion, appelle les serviteurs à se faire miséricorde entre eux. وفي الحديث فضل سقي الماء. Il y a dans le hadith les mérites quant au fait de distribuer l'eau. إلى أن بعض العلماء قالوا إن سقي الماء من أفضل من أعظم القربات. Certains savants, ils ont dit que le fait de distribuer de l'eau, de donner l'accès à l'eau, fait partie des actes d'adoration les plus méritoires pour te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقالت العلماء من كثرت ذنوبه فليسقي ماء. Celui qui a beaucoup de péchés, alors qu'il distribue de l'eau, qu'il propage, qu'il donne l'accès à l'eau, celui qui a beaucoup de péchés, comme cette femme l'a fait avec le chien. Une prostituée, elle a été pardonnée parce qu'elle a abreuvé un chien. Que dire si tu vas abreuver des êtres humains, des musulmans, muwahidin? Et donc, il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. Si tu as une occasion de donner l'accès à l'eau à des gens, fais-le. Fais-le. وكذلك أخرج الترمذي في الجامع عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. الترمذي l'a cité dans le Jami', selon Abi Saïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui abreuve un croyant en lui donnant à boire pour éteindre sa soif, alors Allah tabaraka wa ta'ala va l'abreuver au jour de la résurrection par Ar-Rahiq Al-Makhtoum. ثم بين الترمذي رحمه الله في الجامع أن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف. Ensuite, al-Tirmidhi, dans le Jami', il a cité que ce hadith-là, ce qui est correct concernant ce hadith, c'est qu'il est maoukouf, il n'est pas marfou'. Ça veut dire quoi, maoukouf? Le hadith n'est pas marfou'. On a dit tout à l'heure, marfou', c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maoukouf, sahabi. Il dit donc que as-sahih, l'avis le plus juste, c'est que cette parole, elle est attribuée à Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Mais que les chaînes de transmission qui vont monter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont pas aussi fortes que ça. Par contre, celles qui montent jusqu'à Abi Saïd, elles sont fortes. Donc il te dit, l'avis le plus juste, c'est que cette parole est la parole d'Abi Saïd al-Khudri. Taïb, et nous, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, à ce moment-là? Hein? C'est-à-dire, c'est correct. La parole d'un sahabi, c'est tout un preuve? Non, de tous les sahabis. L'ensemble des sahabas. L'ensemble des sahabas. Mais la parole d'un sahabi, est-ce que ça peut être une preuve? Non, pas tout le temps. Tu m'as dit non, ensuite, et après, pas tout le temps. Non, en tant que tel. Oui. Attends, parce que là, tu es parti dans un autre... Là, tu es parti sur la réponse à la première question. Parce qu'après, on a posé une autre question, c'est est-ce que la parole du sahabi, c'est une preuve? Parce qu'il n'y a rien qui contredit. La parole du sahabi, c'est une preuve. Si il ne contredit pas le Coran ou la Sunna. S'il ne contredit pas le Coran ou la Sunna, sa parole, c'est une preuve. Et aussi, si il n'y a pas un autre sahabi qui le contredit. S'il y a un autre sahabi qui le contredit, alors à ce moment-là, on regarde lequel des deux est plus proche du dalil. Mais sinon, sa parole est une preuve. Ce sont eux qui connaissent le mieux le Coran. Et ce sont eux que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Et donc, la parole du sahabi, c'est une preuve. Ce sont eux que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre leurs traces. Leur parole est une preuve tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec Al-Kitab ou Sunna. Tayyib, ici, par rapport à Abi Saïd, on dit quoi? C'est là qu'on revient à la première question. C'est le sujet de l'invisible. C'est, comment tu sais que c'est un sujet de l'invisible? Où est-ce que tu l'as vu dans cette parole? Il parle de l'au-delà. Tayyib. Et donc, il parle de l'au-delà. Et donc, tu vas conclure en disant quoi? On appelle ça marfu'un hukman. Il a le même jugement, cette parole-là a le même jugement que si elle venait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça a le même jugement. Tu dis pas c'est la parole du prophète, mais tu dis que ça a le même jugement. Pourquoi? Parce que Abu Saïd, concernant le sujet de l'au-delà, il a pris où ça? Il n'a pu le prendre que du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pu le prendre que du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on appelle ça les savants du hadith, ils appellent cela marfu'un hukman. Il a le même jugement que le hadith qui est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil hadith, al-hathu ala al-a'mal al-salihah wa adam al-kunut min rahmatillah. Il y a dans le hadith le fait de nous inciter à accomplir de bonnes actions et le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez bien vu, on l'a souvent cité, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. On avait donné en condition, on avait mis une condition. On avait donné une explication par rapport à cela. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. On avait dit quoi? Hein? C'est pas les grands péchés. Taïb, la prostitution, c'est un grand péché ou pas? C'est un grand péché. Taïb, comment on explique ça? Allah fait ce qu'il veut. Hein? Elle n'avait pas le choix? Non. Non. Hum? Non. Il n'a pas été cité de Tawbah ici. Parce qu'on a dit, Allah Azzawajal, il pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés. Mais attention, concernant les grands péchés, il faut qu'il y ait un repentir. Hein? Ici, il n'y a pas cité de repentir. Et il a été cité que Allah lui a pardonné par cette bonne action qu'elle a faite. C'est pas par un repentir. Par cette bonne action qu'elle a faite. Hein? Min fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a abordé ce hadith et il a dit hadha min fada'il al-ikhlas. Fada'il al-ikhlas, lorsque tu fais quelque chose lillahi tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous, inshallah, Yassine, il faudra qu'on ajoute Kitab al-Tawhid dans le programme, inshallah. Ah, faudra qu'on fasse, je sais pas comment on va faire. Donc dans Kitab al-Tawhid, il y a un chapitre Bab Kitab al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Le chapitre lié au Tawhid et les péchés qu'il expie et le fait qu'il expie les péchés, excusez-moi. Le Tawhid expie les péchés. Rappelez-vous cet homme qui a fait énormément de mauvaises actions. Énormément de mauvaises actions. Il a maddi al-basar jusqu'à perte de vue. Il est venu avec une bonne action. La ilaha illallah. La ilaha illallah qui pèse plus lourd dans la balance que toutes ces mauvaises actions. Et donc tout ça dépend de l'ikhlas, la sincérité de la personne. La sincérité de la personne. Et donc, nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Peu importe les péchés que tu as faits, aujourd'hui tu es vivant, tu as la capacité de te relever, relève-toi tout de suite. Tu sors du cours, khalas, c'est bon, on arrête. Tu te relèves tout de suite. Pour que Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil hadith, رد قوي على الخوارج. Il y a dans ce hadith une forte réplique aux khawarij. Pourquoi? Et donc comment, elle est où la réplique dans ce hadith? Allah lui a pardonné. Et donc les khawarij يدخلون أو يكفرون صاحب الكبيرة. Et donc les khawarij, ils taxent de mécréant la personne qui fait un grand péché. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à cette femme. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne aux mécréants? J'ai entendu deux réponses là. J'ai entendu Naam et là. Attention, c'était une question à piège. Voilà. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas aux mécréants tant qu'ils ne se repentent pas. Tant qu'ils ne se repentent pas. On a vu dans le tafsir. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu. Et donc les mécréants, s'ils se repentent, Allah il leur pardonne. Maintenant, ils ne se repentent pas, il n'y a pas de pardon pour eux. Il n'y a pas de pardon pour les incroyants. Et là, ici, Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à cette femme, ce qui prouve que le fait de faire des grands péchés ne fait pas sortir la personne de l'islam automatiquement. Taïb, et c'est une réplique aussi aux Mu'tazila. C'est quoi leur croyance ici? Beina Menzilatin, ça veut dire quoi Beina Menzilatin? Il est croyant dans cette dunya, ils disent? Ah, ils disent pas il est croyant. Musulman? Non. Fi dunya, c'est ce qu'il a dit. Fi dunya, il est entre les deux. Mu'tazila, ils te disent, Fi dunya, il est pas musulman, mais il n'est pas mécréant. Je te demande, il est quoi ? C'est là que le bug il arrive. Et donc, il n'est pas musulman, il n'est pas mécréant. Ça, c'est fi dunya. Par contre, dans l'au-delà, ils disent huwa fi nar. Dans l'au-delà, il est avec les koufars. D'accord ? Et donc, ça, c'est la croyance des Mu'tazila. Et ce hadith, c'est une réplique aussi aux Mu'tazila. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله donc le 20e hadith l'auteur qui nous dit le 20e hadith l'auteur qui nous dit دخلت وقال دخلت امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'une femme est rentrée dans le feu. Une femme est rentrée dans le feu à cause d'un chat qu'elle a emprisonné. Elle ne l'a pas nourri, elle ne l'a pas laissé aller se nourrir. Khashesh, certains qui nous disent ce sont les insectes qu'il y a sur le sol. D'autres qui disent non, ce sont les plantes qu'il y a sur le sol. Et donc, cette femme n'a pas laissé ce chat aller se nourrir. Elle l'a laissé enfermer jusqu'à ce qu'il meure. Et donc, elle est rentrée dans le feu à cause de cela. Qala Az-Zuhri, rahimahullah. Az-Zuhri, c'est qui Az-Zuhri? Hein? C'est quoi, il s'appelle comment? Ibn Shihab. C'est l'enseignant de qui? L'imam Malik. Ibn Shihab Az-Zuhri. Il dit Ibn Shihab Az-Zuhri, mu'allikan ala hadha al-hadith, concernant ce hadith-là, du moins les deux hadiths qui ont été cités, il nous dit li an la yattakila ahadun wa la yay'asa ahadun, afin que personne ne se base sur ses acquis, afin que personne ne se base sur ses acquis et que personne ne désespère. Ça, on va y revenir, inshallah ta'ala. فَهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَكْسِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ. Ce hadith-là, c'est le contraire du hadith précédent. C'est le contraire. فَإِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَسَاءَتْ إِلَى الْهِرَّةِ فَدَخَلَتِ النَّارِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكِ. Donc cette femme, elle a eu un mauvais comportement envers le chat. Elle est donc rentrée en enfer, dans le feu, à cause de ce mauvais comportement envers le chat. إِذَنْ فِي الْحَدِيثِ الْحَذَرِ مِنَ الْإِسَاءَةِ إِلَى الْحَيَوَانَاتِ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ. Il y a dans ce hadith le fait, la mise en garde quant au fait de mal se comporter envers les animaux, et cela montre l'aspect complet de cette législation. Parfois, on se précipite. Tu vois un insecte qui rentre chez toi. Tu peux le sortir sans le tuer. Tu peux sortir l'insecte sans le tuer. Certains premiers réflexes, il faut le tuer. Certains même, ils s'amusent. Ils s'amusent pour tuer cette bête. Tu peux la sortir sans la tuer. Les savants, ils nous disent que tu vas tuer cette bête quand elle te dérange et elle ne sort pas ou autre, quand la bête, vraiment, elle te dérange. Certains, non, dès qu'ils voient la bête, premier réflexe, il faut la tuer. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. N'oubliez pas, les frères, n'oubliez pas qu'à la base, c'est nous sommes venus, nous avons mis du bitume. C'est nous sommes venus, on a mis du bitume, on a mis des bâtiments, etc., etc. À la base, ils sont là, eux aussi. Ils sont là, eux aussi. Nous, aujourd'hui, on prend un petit peu trop de place, on a mis du bitume un petit peu partout. Et donc, ne t'étonne pas si tu vois cette bête chez toi, un jour, elle cherche un refuge ou autre. Faut pas s'étonner par rapport à ça. وفي الحديث دليل على جواز حبس الحيوانات. Il y a dans le hadith le fait qu'il est permis d'enfermer les animaux. Ne me regardez pas avec des yeux comme ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est les ulama. Où est-ce qu'on comprend ça du hadith? Aïe. Il est cité dans le hadith que cette femme-là, elle ne l'a pas nourri, elle n'a pas nourri le chat et elle ne l'a pas laissé se nourrir. Qu'est-ce qui a été reproché à la femme? C'est le fait de ne pas avoir nourri le chat. Les savants, ils nous disent, ce qui est reproché à cette femme ici, c'est le fait de ne pas avoir nourri le chat. Et donc, le fait qu'un individu va garder un animal, l'enfermer, c'est-à-dire l'enfermer à la maison, mais en faisant attention à cet animal. En faisant attention à lui, tu le nourris, tu le laisses vaquer à ses occupations ou autres, comme on a certains avec des oiseaux ou autres. Le fait que tu t'occupes de cet animal, les savants ils disent, cela n'est pas blâmable. Cela n'est pas blâmable. Ce qui est blâmable, c'est le fait d'enfermer la bête et tu ne la nourris pas et tu ne la laisses pas se nourrir. Voilà ce qui est blâmable. Amma qawlu Zuhri rahimahullah li an la yattakila ahadun. En ce qui concerne la parole de Zuhri rahimahullah, afin que personne ne se base sur ses acquis. هذه المرأة التي أساءت إلى الهرة لعلها فعلت ذلك متكئة على عملها السابق. Cette femme qui a été injuste envers ce chat, il se peut qu'elle ait fait cela en se basant sur ses acquis, les bonnes œuvres qu'elle a faites auparavant, comme beaucoup peuvent le faire. Tomber dans le piège, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de salawat à la mosquée, alhamdoulilah, je peux faire un petit péché, ma'alish. Un péché, mashallah, j'ai fait pas mal de salat à la mosquée cette semaine, alhamdoulilah. Ne te base pas sur tes acquis. Ne te base surtout pas sur tes acquis, sur ce que tu as fait comme bonnes actions. Certains, comme je l'ai déjà cité ici dans cette mosquée, il n'y a pas si longtemps que ça. Alhamdoulilah, j'ai compris que la sunna, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des sahaba. Ça s'appelle as-salafiyya. J'ai compris que c'est ça que je dois suivre. C'est bon, alhamdoulilah. Ça veut dire que, vu que j'ai compris ça, ben, je ne fais pas de nawafil, je ne lis pas le Coran, j'apprends pas la sunna, j'apprends pas l'arabe, le Coran ma'alish. Alhamdoulilah, il y a des gens, ils ont mémorisé le Coran et ils ont une mauvaise compréhension. Alhamdoulilah, moi j'ai une bonne compréhension, j'ai pas mémorisé le Coran. Et donc, il se base sur ses acquis. Il se base sur ses acquis. Tout ça avec des ambiguïtés de shaitan, du diable. Ne te base jamais sur tes acquis. Alhamdoulilah, tu as compris l'importance de la sunna. Eh bien, la sunna, elle te pousse à apprendre. La sunna, elle te pousse à faire des actes surrogatoires. La sunna, elle te pousse à sourire aux gens. La sunna, elle te pousse à donner en aumône. La sunna, elle te pousse à faire tout ce qui est profitable. Les compagnons, ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lequel d'entre vous s'est trouvé ce matin en tant que jeûneur ?» Abu Bakr, Anna. Lequel d'entre vous a visité un malade? Anna, Abu Bakr. Lequel d'entre vous a assisté à un enterrement? Abu Bakr, Anna. Il ne veut rien laisser, rien du tout. Certains se disent, ils font le jeûne. Alhamdoulilah, il a fait une montagne. Il a fait une montagne. La sunna, les compagnons, ces gens-là, ils étaient ferme, ils insistaient beaucoup dans l'apprentissage de la religion et aussi dans l'accomplissement des œuvres de piété. Et donc, ne te base pas sur tes acquis. Continue et évite les péchés. Ne te base pas sur le fait qu'alhamdoulilah, Allah t'a permis de venir à la mosquée, assister au durous et après, dès que tu sors de la mosquée, tu peux te permettre de faire des péchés. Pourquoi? Parce qu'alhamdoulilah, j'assiste au durous et tout. Alhamdoulilah. Non, non, non. Et ensuite, Zuhri nous dit Wali an la yay'asa ahad, afin que personne ne désespère. Ça, c'est par rapport au hadith où on a vu la femme, la prostituée, qui a été pardonnée. Personne ne doit désespérer, les frères. Et ça, on l'a vu depuis plusieurs semaines, les hadiths qui ont été cités jusqu'à maintenant. On ne doit pas désespérer. Dès que tu vois quelqu'un qui tombe dans un péché, enseigne-lui ça. Enseigne-lui ce principe essentiel. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Surtout, ne faites pas l'erreur que certains font. Tu vois quelqu'un qui tombe dans des péchés, il l'enfonce. Il est tombé. Ah, t'es tombé. Attends, on va s'assurer que tu te relèves pas. T'as vu ton frère, il est tombé. Il est tombé dans des péchés, peut-être des grands péchés. Aide-le, Khoya. Aide-le. Amène-le à la mosquée. Parfois, ces grands péchés-là peuvent être la cause que la personne ne vient plus prier. Les frères, ne pensez pas que les péchés que les gens font n'ont pas un impact sur l'individu. Aujourd'hui, tu te bases sur tes acquis, tu te dis, Alhamdulillah, je connais la sunna. Ne pense pas que les péchés que tu vas faire ne vont pas t'attaquer dans ta compréhension de la religion. Que ce que tu comprenais de façon aisante, simple, demain, tu verras que c'est une montagne, c'est difficile à comprendre. La base de ta religion. Tout ça à cause des péchés qui couvrent le cœur. Des actes qui étaient faciles pour toi. Prendre ta voiture, certains viennent de Thionville. C'est quoi, une demi-heure? Ils viennent de Thionville pour venir jusqu'ici. C'est facile, alhamdoulilah. Avec les péchés, ça devient une montagne, ça. Avec les péchés, la mosquée qui est à 5 minutes de chez toi, c'est difficile d'y aller. Alors faites attention, les frères. Faites attention à ne pas tomber dans les péchés. Barakallahu fikoum. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on va reprendre, bi'idhnillah, en début septembre, inshallah. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.